reste un instant. S'il te plaît, ne t'en va pas, tu as le temps. Existe encore un peu, existe encore un peu. Moi je te défends de t'en aller. Existe encore un peu. Juste de me quitter. Tu n'as pas le droit de partir. Tu n'as pas le droit de mourir. Je te ferai des souvenirs si tu attends juste un instant. Existe encore un peu. Toi qui me connais depuis mon premier jour, s'il te plaît, regarde-moi, je peux danser. S'il te plaît, ne t'en va pas, je peux chanter. Existe encore un peu, existe encore un peu. Moi, je vais créer pour toi la vie. Existe encore un peu, oh, existe encore un peu. Moi je vais lutter pour que tu restes ici. Je vais te donner en cadeau la forêt qui est sous ma défends de t'en aller. Reste encore un jour dans ma vie, toi, mon père. Existe encore un peu, existe encore un peu. Moi je te défends de me quitter. Existe encore un peu. Existe encore un peu. Moi je te défends de